Amis humains, bonjour. Big Brother, te voilà, le puce HD salarié arrive. Quelle est la similitude entre ces belles vaches qui font la joie des visiteurs du salon de l'agriculture et des salariés de l'entreprise suédoise Epicenté? Les deux sont identifiés, contrôlés, gérés comme on dit maintenant par des puces RFID implantées sous leur peau. Big Brother, te voilà. Les vaches, avec les puces RFID qui les identifient, voient leur nourriture, les médicaments qui amélioreront leur productivité, etc. délivrés en fonction de leurs besoins, enfin, des besoins de leurs propriétaires. Ah, c'est très bon. Les vaches n'ont pas demandé à être pucées, mais les vaches ne sont que des machines à lait et à viande, des esclaves. Chez Epicenté, entreprise branchée très créative, 450 des 700 salariés ont accepté volontairement l'implantation de cette puce RFID sous leur peau. C'est du brutal. Ce qui reste rassurant, c'est que 250 salariés ont refusé cette incroyable aliénation. Mais pour combien de temps s'ils ne veulent pas être virés? Les volontaires sont donc allés chez un tatouneur, qui leur a implanté cette puce électronique sous la peau, entre le pouce et l'index. Pour accepter une telle suggestion, il faut que cette puce apporte aux salariés des avantages formidables, j'espère. Moulet, ben voyons, ils n'ont plus besoin de badge, ni de clé, ni de carte, ni de code à se rappeler pour ouvrir les portes. Se servir de la photocopieuse et payer leur café à la cafétéria maison.sésame, ouvre-toi, formidable nom. Et c'est pour ça que ces salariés acceptent cette servitude volontaire, au fou. Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Avec cette puce qui permet la géolocalisation par satellite de l'individu porteur, qui intègre des tas de données personnelles, d'identité, d'adresse, de santé, de coordonnées bancaires, de cartes de crédit, etc. Le bétail humain devient aussi traçable que les vaches, avant qu'un nouveau 11 septembre fournisse le prétexte de rendre l'implantation de cette horreur obligatoire. De multiples moyens sont mis en œuvre pour préparer les bons cons à accepter la puce. Pour la rendre branchée, des discothèques proposent leur implantation permettant d'entrer et sortir sans problème, payer son verre, etc. Elle peut être intégrée dans des tatouages, voire chez Epicenté, des piercings, des implants en silicone, etc. Mais la méthode la plus efficace est de la rendre désirable par les bons cons avec des prétextes médicaux. Que n'accepterions-nous pas pour la santé? Ainsi, certains hôpitaux états-uniens incitent fortement les patients à se faire implanter une puce contenant leurs données médicales, traitements en cours, groupes sanguins, en prétextant ainsi d'éviter tout risque d'erreur d'identification et de traitement, mais aussi une surveillance médicale à distance. Séduisant? Non. La surveillance par la puce RFID est déjà une réalité dans certaines écoles aux États-Unis, intégrée pour l'instant dans la carte d'identité scolaire obligatoire et dans les uniformes des élèves. Elle permet ainsi de suivre tous les mouvements des gosses. Et comme les appareils de lecture de ces cartes fonctionnent discrètement, ils peuvent être clandestins et permettent le pistage des élèves non seulement par les autorités de l'école mais par n'importe qui, organismes gouvernementaux, commerciaux, voire sectes. Il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Mais il y a mieux, ou pire qui s'annonce. Ce sont des circuits électroniques intégrés dans la peau. Jusqu'à maintenant, les circuits électroniques sont durs parce que tributaires d'un support minéral. Mais des chercheurs ont mis au point un système électronique épidermique, EES, qui est un circuit électronique intégré sur la peau, conçu pour suivre parfaitement les mouvements de la peau, s'étirer, de tordre, se fléchir, etc. Tout comme les mouvements du corps. Le clivage entre l'homme et la machine est sur le point de disparaître. Ces circuits sont montés sur des substrats plastiques ultra minces, genre patch appliqué sur la peau avec de l'eau, comme les tatouages provisoires. Il y a la dissolution médicale évidemment séduisante, surveillance cardiaque, du métabolisme, réadaptation physique, surveillance du sommeil, lutte contre l'apnée du sommeil, soins néonataux, etc. Mais aussi tous les traçages, tous les flicages possibles, voire l'élimination discrète d'un individu devenu encombrant dans une société totalitaire comme celle que nous impose sournoisement l'ultralibéralisme triomphant. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. À bientôt, et grosse bise numérique.